Personne suivante. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je cherche un sac à dos perdu jeudi dans le métro. Oui. Ce sac à dos est de quelle couleur? Rouge et jaune. D'accord. Quelle est sa taille? Grand et rectangulaire. Ah oui, la forme, c'est important. Je vais voir et je reviens. Regardez, c'est ce sac? Ouh, il est lourd. Ah oui, c'est ça. Oh, c'est super. Et tout est dans le sac. Mon portefeuille, mes lunettes, mon écharpe, mon ordinateur portable, mes livres. Ouh. Voici un document officiel à signer. Madame, ce sac à dos, ce portefeuille noir en cuir, ces lunettes marron, cette écharpe rose et verte, cet ordinateur portable et ces deux livres sont bien à vous? Oui, monsieur. Parfait. Signez ici, s'il vous plaît.